où j'ai flatté n'importe quelle connerie de la télévision. On nous mettra pas en prison. Ah mais non, ah mais non. Mais attention, attention, où va-t-on, où va-t-on? C'est vrai! Faut faire le procès de la vitesse pour bombarder le Nord-Vietnam en deux temps trois mouvements. Mais pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps. Suspicion, suspicion, suspicion. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Loi contre la drogue. On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Si ça continue comme ça, un jour on verra peut-être les magistrats, les lycéens, cul à cul dans la rue. Répression, suspicion, où va-t-on, où va-t-on? Jusqu'où ira-t-on, ira-t-on, ira-t-on, ira-t-on? Le temps, le temps, le temps fait de nous des pantins, très cher ami. On nous manipule la chronologie sans qu'on puisse réagir. Ce serait quand même intéressant, une fois dans sa vie, là, sans que ce soit prévu, un peu comme lorsque tu joues, mais moi j'ai un vieux jeu vidéo... parce que mon téléphone n'est pas intelligent. Vous le savez, c'est le même que j'ai procuré à mon amie Adrienne Poli, parce qu'elle aussi ne veut pas que son téléphone la dépasse. Même chose pour moi. Puis quand je lui ai dit que j'avais un flip-flop et je lui ai montré mon flip-flop, non, mais pour une fois, je montre mon flip-flop à une fille, puis la fille dit « Ah! » Quel bel instrument! Oh, écoute, là, je me demande après, c'est celle que. Ah, as-tu écrit? C'est pas être qui mon mec à moi, mais je veux un mec. Après m'avoir rencontré, elle dit j'en veux plus, je veux plus de mec. Son nouvel album là, d'Adrienne Poli, c'est je veux plus de mec. Je veux plus de mec comme lui, qui me cherche que des soucis. Je ne veux plus le voir. Qu'il aille se faire voir! Mais, oui, Adrienne, ne prends pas mes textes. Ne te fie pas à ma poésie aujourd'hui un peu chambranlante. Comme mon existence, qui demain comptera encore un an de plus. Quoi dire de plus? Un an de plus. Tout est dit dans le un an. T'as pas là à justifier cette année-là ou ces années-là. Il ne faut que les vivre. Hey, peux-tu prendre ça en note, mon ami? Tu dis des affaires, toi, là. Tu nous prépares pas. On n'a pas de cahier, on n'a pas de crayon, on n'a pas de gouache, on n'a rien que l'on puisse prendre pour exprimer tout ce que tu nous envoies. Comme légitimité intellectuelle. Légitimité intellectuelle, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, écoutez. Pas trop, mais écoutez, un peu. Soyez l'oreille indiscrète. Vous savez, dans un restaurant, là, ben, en tout cas, ça existe. C'est un endroit où les gens se rencontrent. Se rencontrer. Se voir entre nous, là. Échanger. Non, mais ils connaissent plus ça. Ça connaît plus ça. Vous avez une mémoire, ouais, votre est défaillante avec le. Ben oui, on vous a. Ben c'est ça. On vit de la science-fiction constamment, madame, là. J'espère qu'on vous surprend pas aujourd'hui. Puis comment tu veux faire pour changer les choses si la source majeure ne veut pas? Nous sommes tributaires, pas de la majorité, mais de l'élan mondial. Loin des rangs, loin de la course au con, loin des bruits de la caserne. Le pion s'ennuie sans ses folles ambitions, le chasseur tourne en rond. Loin des loups qui jouent à saute-mouton, hors des murs de sa caverne. Le pion s'ennuie de toutes les occasions qui font les bons larrons. Loin des jeux de sa génération et de toutes ses balivernes, le pion s'ennuie à déjouer les façons, soigner ses perversions. Loin des cris et des protestations, des combats qui le gouvernent, le pion s'ennuie dans sa triste condition. C'est fou, hein? Ah, excuse-moi, c'est moi, Gaétan Brisebois. Ben oui, mon Gaétan, comment ça va? Oh, mon doux. Moi, te raconter un peu des événements depuis les derniers moments. Des événements depuis les derniers... Ah oui, ouais, excuse-moi si j'ai l'air à bafouiller dans mes idées, mais c'est plié, mais c'est mal rangé. Tu sais, moi, quand je plie mes affaires, je sais même pas, je suis pas certain que ça va rentrer dans le tiroir. Pas dans le tiroir, dans le tiroir. Ça fait que là, je plie. Tu sais, jusqu'au moment où tu peux plus plier, là. Non, l'arbre, je le plie pas trop. Là, je parle du peuplier. Là, je le plie pas trop. Il rentre pas dans mon... C'est un gag! On a du plaisir! Mais qu'est-ce que c'est que cette émission-là? C'est Rance Rénaldienne avec Rénal Gagné! Non. Il préfère Rénal Gagné. Ouais, mais est-ce que c'est G-A-G-N-I-E-R ou G-A-G-N accent aigu? On s'en balance, c'est Gagné. Pas Rénal, c'est Rénald. Prononce le D et le nier. Si tu veux encore régner. Régner. Je préfère les ratures et me trancher le oui, exactement. Me trancher le voyons donc, il voulait le dire là, mais je le vois dans ma tête, mais il faut que je trouve toute la panoplie de mots pour vous donner cette explosion imaginaire. Ça s'en vient, faites-vous-en pas. Non, on y est toujours arrivé. Oui. On n'a aucun problème avec ça. Alors, c'est un trait très prononcé vers quelque chose qui va se lancer. Et c'est clair, ça, là. Plus clair que ça, moi, là, j'appelle mon ami Raymond et je lui demande une pizza, pas de pâte, pas de fromage, pas de pepperoni, juste une boîte en carton. Ah, mon doux Seigneur. On est comme on est. Pas trop pilé, pas trop angoissé. On essaye. On cherche sa route. On est peut-être un peu fatigué. On veut... vous savez comme... la question, hein? Avez-vous déjà visité Tokyo? Ah, ben oui, Tokyo! Tokyo! Tu veux dire, là, les Tokyo, ben oui, Tokyo, les, voyons donc, tu sais, les bugs, le pouf, mort, le pouf, ah, les sumo, ouais, hey, c'est bon comme ça, veux-tu la faire, ben oui, non, ça, c'est les deux pieds du sumo, hein, ben, c'est pas juste les deux pieds, là, c'est la lourde, la bédaine, le milieu, c'est la bédaine, imagine-toi, les orteux, qui doivent endurer, le poids excédentaire, quand je dis excédentaire, là, c'est pas excédentaire sans trop appuyer dessus, là. Faut que t'en mettes du crémage dans ce excès. Non, là, c'est impossible. Ces gars-là vivent pour manger, puis mangent pour vivre. Ils ont été choisis par le chat napalm. Je ne sais pas si vous connaissez là, les religions musulmanes et taïwanines. Mais les taïwanines, qui étaient avant les musulmans, eux avaient comme principe de reconstituer la nature selon le côté débridé et, j'allais dire, exagéré de la réalité. Et ce qu'ils voyaient, ben, c'est exemple. Le plus important dans un discours, c'est de trouver des exemples. Ben oui, ça ramollit l'intellect. Je ne comprends pas, mais là, oh, t'as un exemple. Ah oui, OK. On va mettre en circonstance, là. Les cons sont les très proches parents des caves. Si ce n'est que les caves ont la tête un peu plus concave. Les cons sont peut-être un peu plus cons que les caves. Oui, mais les caves seront toujours beaucoup plus caves que les cons. Les cons sont quelquefois intelligents, mais ça ne les empêche pas pourtant de faire les caves de temps en temps. Les caves, y a rien à faire avec eux autres, lui ils sont cons, moins c'est de leur faute. Allez donc blâmer leurs enfants. Les cons sont de la confiture de caves. D'ailleurs, les caves sont aussi cons que les cons sont caves. Les cons sont convaincus qu'ils sont pas caves. Pourtant, les cons sont sûrement pas moins caves. Les caves sont cons. Les cons sont quelquefois intelligents, mais ça ne les empêche pas pourtant de faire les caves de temps en temps. Les caves, y a rien à faire avec eux autres, lui sont cons, moi c'est de le faux. Allez donc blâmer leurs enfants. Les les circuitais. Si tu places pas ça dans l'enjeu du discours, tu perds ton auditoire. Moi, j'ai jamais perdu personne. Si t'as pas ta boussole pis t'es pas fier, boussole fière, non, est-ce qu'on va s'appeler ça? Mais c'est une montgolfière, c'est pas une boussole fière. Ah, une montgolfière, c'est vrai, c'est pas une boussole fière. Comment ça, t'as-tu une montgolfière? C'est pas toi, là! Arrête de dégénérer! Non, mais c'est naturel chez moi. Dégénérons, c'est comme ça que l'on peut admettre le son pur de l'accordéon. Ouais, ça a été écrit par qui? Ça n'a pas été écrit par personne, ça a été dit par moi. Et puis, ça vaut ce que ça vaut. Ça s'écoute comme ça s'écoute. Et puis, ça se prend comme un plaisir venu comme une plume qui descend du ciel. On s'attend-tu quand tu marches? Bon, ben, on marche plus dans les rues aujourd'hui. Là. On marche chez soi, là, dans son 2,5. Hey, moi, depuis quelques mois, j'ai creusé aussi ma tombe, sans doute, en marchant. En marchant, mais avec une trajectoire toujours constante. L'ovale, je marche en ovale, moi, je marche en... En fait, j'ai pas le choix, tu sais, j'ai une télévision, mais qui n'est pas branché sur aucun circuit télévisuel. C'est des DVD que j'écoute ou des Blu-ray, mais encore, j'allais dire encore, je me suis acheté un Blu-ray, non pas parce que je voulais en avoir un, c'était inclus dans le cinéma maison, puis j'ai rien en Blu-ray. Puis je veux rien avoir là-dessus parce que, écoute-moi, puis écoute-toi aussi. Le coffret de Maurice Pialla, le coffret de Agnès Varda, le coffret de voyons encore là, je vais chercher son mot puis son nom. Comment il s'appelle donc? Monsieur, la fête la semaine dernière, il y a quelques semaines, là. Attendez-vous, la Pierre Perrault! Tous les films de Pierre Perrault, là, les trois coffrets que j'ai à la maison de Pierre Perrault, même si c'est en Blu-ray 4K, ça va rester de la pellicule de l'époque. Les Charlie Chaplin, les amateurs de Charlie, il y en a-tu? Des Fantomas, hey, des Fantomas. Les films de Feuillade, de Louis Feuillade, de Méliès, même si tu l'as la télévision là, qui va te faire sortir l'image, il reste que simplement tout ça est une empreinte d'un moment donné, dans un temps donné, dans une société offerte. Hey. Moi, des mots comme ça, là, ça me fait vibrer, ça me fait tellement bouger l'intérieur que je vais danser là-dessus. Ah oui! Hey, on peut y aller ensemble, hein? On y va? Ça, c'est du cadeau. Du beau cadeau. Je savais même pas. Merci. Hey, c'est pour mon cadeau de fête demain. À travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sou qui venait de tomber en amour la veille. Dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gage, comment peut-on tomber mal, tomber du ciel, remède aux louanges, chassé par les anges du paradis originel, tombé du sommeil, perdre connaissance, retomber en enfant. Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mâles, trafiquant d'import-export. Tombé dans haut, comme les petits couteaux que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors le cœur en fête. Bonsoir de girouette, du haut du clocher, donne à ma voix la direction. Par où le vent emporte ma chanson, tombé par inadvertance, tombé à la fleur de l'âge. Sur le pavé, les yeux en l'air, les semelles battant la poussière, on voit tomber des balcons, des pots de fleurs, des mégots, des chanteurs de charme, des jeunes filles en larmes et des alpinistes amateurs. Tomber dans haut comme les petits couteaux que j'entends tomber dehors. Du par inadvertance. Amoureux, tombé à terre pour la fille qu'on aime, se relever indemne et retomber amoureux, tombé sur toi, tombé en pamoison, avaler la ciguë, goûter le poison qui tue l'amour. Oui, c'est Jacques, c'est Jacques. C'est Jacques. Bon, c'est Jacques. C'est bien de le dire, mais il faut préciser. Aïe, Marique, Marique, je t'aimais tant. Entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Marique, Marique, il y a longtemps. Entre les tours de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, bestomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind, de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en scheurt het zand door mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, couleur des tours de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pleure avec moi de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wind, de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pesait-il trop de Bruges à Gand. Ai, Marieke, Marieke, sur tes 20 ans, que j'aimais tant de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn oude hart. Zonder liefde, warme liefde, sterft de zomer, de droeve zomer. En scheurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, revient le temps, revient le temps de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, revient le temps où tu m'aimais de Bruges à Gand. Ai, Marieke, Marieke, le soir souvent entre les tours de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, tous les étangs m'ouvrent leurs bras de Bruges à Caen, de Bruges à Caen, de Bruges à Caen, de Bruges à Caen. Parce que ça pourrait être Jacques Prévert, Jacques l'Éventreur. Ouais, je sais, Jacques, c'est pas Jack. Hein? Si on veut dériller le monde de la Marie, puis descendre les trois marches qui nous découvrent de cette exécution sommaire. Ça, sommaire, c'est pas total. Ça veut dire que tu meurs pas. Ça fait juste des guilis-guilis souffrances. Aïe, aïe, aïe, arrête, arrête. C'est à peu près ça. On vous la refait? On y va. Arrête. Hein? Te rappelles-tu de ça? Quand tu dis à ta concubine, là, ah, je suis chatouilleux, hein? Je suis chatouilleuse, ça me rend nerveuse. Avec ça, des fois, je suis heureuse. Chaque fois qu'on me frôle, me sens tout drôle. Ça se contrôle pas, ces affaires-là. Ça se contrôle pas, ces affaires-là. Dans les chars, quand je voyage et qu'ils sont encombrés, j'ai peur au poussoyage. J'ai vu le diable me placer. Quand je suis dans la foule et que je me sens tassé, j'en ai la chair de poule, je finis par m'écraser. Et quand ils viennent pour me ramasser, je leur défends de me toucher. Touche, je suis chatouilleuse, ça me rend nerveuse. Avec ça, des fois, je suis heureuse. Chaque fois qu'on me frôle, je me sens tout drôle. Ça se contrôle pas, ces affaires-là. Ça se contrôle pas, ces affaires-là. Un jour, on me présente un garçon distingué. Une fois en sa présence, je pouvais plus résister. J'avais peur qu'il s'approche, j'avais des battements de cœur. J'en suis devenu toute cloche tellement que j'avais peur. Quand il m'a vu, il est parti et n'est jamais revenu. Bonsoir, il est parti. Je suis chatouilleuse, ça me rend nerveuse. Avec ça, des fois, je suis heureuse. Chaque fois qu'on me frôle, je me sens tout drôle. Ça se contrôle pas, ces affaires-là. Ça se contrôle pas, ces affaires-là. Le jour de mon mariage, j'étais folle comme un foin. J'ai dit pas de poussoyage, j't'avertis devant témoin. Il me fit des caresses en me prenant dans ses bras. Et bien d'autres petits gestes que je ne vous dirai pas. Depuis ce temps-là, ça va si bien que je n'ai plus peur de rien. Je suis plus nerveuse, ni chatouilleuse. Mais je suis vraiment plus amoureuse. Je suis plus la même, y'a rien qui me gêne. Depuis ce temps-là, je connais le tabac. Depuis ce temps-là, je connais le tabac. Puis, on se connaît pas encore, là. C'est les prémices. Ça débute. C'est comme si une fusée atterrissait sur une planète. L'amour, c'est ça. Puis là, ben, au début, tu commences à dire ouais, ça, j'aimais ça, mais tu sais, je suis un peu chatouilleux. Ça fait que va pas jouer là-dessus, là. Puis juste pour faire sa coquine, elle joue là-dessus, là. Puis là, tu te dis, c'est bien beau là-dessus, là-dessus, là-dessus, mais arrête, j'aime pas ça! Faut quand même être clair. Comme, oui, l'eau de Saint-Pierre, faut pas que ce soit béni par Saint-Pierre, parce que c'est quand même assez étrange. Comment peux-tu bénir toi-même tes propres choses? Bon, moi, j'ai cette chance-là de pouvoir rendre... Non, pas pur, mais édulcoré par une transformation solennelle de... En fait, c'est un texte que je lance, non, je lance pas, que j'amène devant le produit. Par exemple, vous êtes peintre et vous voulez que tout ça soit neutre, soit prêt à la création et que toutes les tensions que vous éprouvez face à la toile blanche soient retirées, enlevées, qu'il n'existe plus cette fausse fébrilité qui freine le pinceau pour arriver à une toile des plus réussies à ce moment-là de votre création. Alors moi, vous me placez vos 6 pots de peinture, disons le rouge, le bleu, le vert, peu importe. Et moi, j'ai un texte à dire qui n'est jamais le même, puisque je suis guidé par mes chameaux. Ouais, ça vient d'Égypte. Moi, c'est pas des chamans. Moi, c'est des chameaux qui sont transformés en chamans. Ça peut arriver, ça, madame, là. Tout n'est pas exactement. Tout n'est pas soudé. Puis même si c'est soudé, ça peut se défaire, ça, là. C'est pas... La rouille! Mais moi, j'évite la rouille. Donc, devant les pots de peinture, l'artiste est là devant moi avec ses pinceaux. Ben, je dis, dépose tes pinceaux ou déposez vos pinceaux, dépendant de la rencontre que j'ai eue avec l'artiste. Et puis après, ben, c'est là que entre en considération mon pouvoir. Oui, j'ai un pouvoir. Ben, j'ai plusieurs pouvoirs, mais j'ai ce pouvoir-là, entre autres. J'ai aussi, ça, mais c'est vrai, votre carte. Vous allez dans un supermarché, votre carte ne fonctionne pas. C'est la puce, c'est toujours la puce là, qui bloque. Là, je vous le jure. Puis normalement, on ne doit pas toucher aux cartes. Là, on n'est pas en train de jouer au poker, là, mais on ne peut pas jouer. On peut pas toucher aux cartes de débit, crédit, tout ça, non. Mais moi, j'ai juste à passer les deux doigts sur la carte. Sur le côté sombre de la carte et le pouce, je place le pouce directement sur la puce et j'enlève tout ça et je dis à la personne, entrez votre carte. Et ça fonctionne. Je vous jure que c'est vrai. Là, il y a un truc. Ben oui, il y a un truc. C'est sûr qu'il y a un truc, là. Je vais vous le dire. Non, mais moi, je suis un gars tellement honnête, limpide comme de l'eau de sacoche. Mais là, dépendant de la sacoche, je l'ai déjà fait, ça, là. Je m'en rappelle. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, même 2 semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de l'eau de sacoche. Si votre sacoche est bien entretenue, ça va. Mais vous voulez savoir le truc, hein? Ah ben oui, on va savoir le truc, on va savoir le... Ben parce que demain matin, on va parler au patron. Mais non, travaille pas demain matin, toi. Ah, travaille pas demain matin. Fait longtemps pas travailler, moi, mais je travaille à la maison. Ah oui, travaille à la maison. Ah oui, travaille à la maison. Je sais pas ce que je fais, mais je travaille à la maison. C'est beau, mais c'est pas une maison. J'avais, moi, c'est un appartement. Ah oui, je reste dans un studio. Ah oui, pas de porte, rien. Ben oui, j'ai des portes, mais je veux dire, pas de cloison, rien. On appelle ça studio libre. Puis moi, ben, j'ai osé nommer ça studio libertaire. Ah, là, depuis quelque temps, c'est pas très, très libertaire. Hein? Ah non, je suis seul. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent. Merci! Claquez dans vos doigts, claquez dans vos doigts. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Inventrissez-vous, inventeurs de tous les pays, unissez-vous. L'homme n'a pas été au bout de tous ses possibles. À vous! L'homme n'a pas été au bout de tous ses possibles. Allumez sa petite bougie, vaut mieux que de maudire la nuit. La pensée va plus vite qu'un jet, elle se propulse jusqu'à perpète. Dans le crâne, on a un moteur, un un kilo et demi d'émetteur, de récepteur de transcodeur. Le cerveau peut s'ouvrir comme une fleur. Mets un turbo dans ton moteur, mets un turbo dans ton moteur. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Inventrisez-vous, inventeurs de tous les pays, unissez-vous. L'homme n'a pas été au bout de tous ses possibles. L'homme n'a pas été au bout de tous ses possibles. On peut sentir 20 000 odeurs, chacune à 20 niveaux d'ampleur. Dans notre corps s'accumulent 500 milliards de cellules. 80 000 espèces mangeables, de plantes pourraient remplir les tables. Tout un chacun pour le respire a besoin par an de 5 000 litres d'oxygène élixir, qu'il faut des arbres pour fournir. Mets de l'oxygène dans ton moteur, mets de l'oxygène dans ton moteur. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Inventrisez-vous, inventeurs de tous les pays, unissez-vous. L'homme n'a pas été au bout de tous ses possibles. L'homme n'a pas été au bout de tous ses possibles. Toi et moi, toutes et tous, nous sommes des poussières d'étoiles, femmes et hommes. C'est pour ça que sans en avoir l'air, on est stars du système solaire. Terminons vivant naturel du computer universel. Nos esprits comme des lasers traversent l'espace et fin de l'air. Y a tellement d'infini en nous qu'on n'est pas prêt d'en voir le bout. Mets donc l'espace dans ton moteur, mets donc l'espace dans ton moteur. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Inventrisez-vous, inventeurs de tous les pays, unissez-vous. L'homme n'a pas été au bout de tous ses possibles. L'homme n'a pas été au bout de tous ses possibles. Une fois. L'homme n'a pas été au bout de tous ses possibles. La dernière. Oui, je suis seul dans cette liberté-là. Et puis là, vous voulez savoir le truc de la carte, hein? M'en va. Ben, salut, bye! Je vais vous le dire. Alors là, ça reste entre nous. Alors, je vous demanderai de boucher les oreilles des gens qui sont autour de vous, puisque c'est entre nous que ça se passe. Règle générale, une carte qui ne passe pas ou qui refuse de passer, ben, c'est qu'elle a des saletés dessus. Alors moi, comme j'ai les doigts divins, je passe mes deux doigts sur la carte. Du côté magnétique, bien sûr, là, pas n'importe où. Non, hey! C'est solennel, faut quand même impressionner l'autre. Hein? Faut avoir l'air gourou. Gourou! C'est-à-dire que tu dis à la personne, je sais pas pourquoi, mais quand je touche à des endroits stratégiques de votre carte, dans les cartes en général, ben ça fonctionne. Mais là, avant de dire ça, la personne l'a essayé plusieurs fois, là. Là, c'est moi qui arrive en dernier recours. Et je passe les deux doigts au-dessus et en dessous de la bande magnétique. Et toujours, je vous avais dit, sur la puce, je remets la carte à la cliente. Mais non, mais la cliente ou le client tient la carte, là. Alors, je lui dis après, insérer dans la machine, là, pas ailleurs, là, parce que quand même, je ne suis pas payé pour... Fait que j'ai dit insérer. Elle insère et ça fonctionne. Pourquoi? Parce que j'ai un pouvoir. Puis là, si vous êtes en train de me dire, c'est parce que tu viens de nous révéler l'affaire. De plus en plus, de moins en moins considérés comme des êtres humains à part entière, plutôt comme les têtes de bétail d'un troupeau qu'au pire on mène à l'abattoir et qu'au mieux on envoie bête boire et brouter là où la bête bébé est plus facile à traire. Aussi, petit agneau qui tête encore ta mère, méfie-toi du bord des eaux troubles où l'on peut voir flotter les narines et le yopac des gros reptiles à quatre pattes qui te guettent pour te happer et te croquer, te crubrer en tenaille dans leur mâchoire de crocodile. Crocodile! Crocodile! Crocodile! Pitié ni cadeau, serré sous l'écran du crocodile. Par les discours plein d'astuces et de consensus des ténors de la tchatch, des engraisseurs de porcs qui nous sucent le cortex par les pores du cerveau. On est de plus en plus enchaînés au rouage de la machine qui s'emballe et nous entraîne en spirale vers le bas, vers le chaos. Gracieuse antilope, charmante, facochère, méfiez-vous lunette. Le plus racaille, le plus retors, le plus gibegris, le plus menteur. Oh, oh, le crocodile. Bourrage de crâne, lavage de cerveau. We'll be right back. fini par la voir. Tu pourras faire le beau dans les bars de Shanghai, Jakarta ou Bornéo. En fourreau léopard, avec un jean en sky, une cape, un sac, des bagues et des boots, et des lunettes en écaille de crocodile. Crocodile! C'est un cadeau venu du ciel. Non, c'est venu de la console. Ouais, le ciel a pas envoyé grand-chose. Hein? Ouais. Non, mais j'ai acheté le disque, là. C'est pas le ciel qui me l'a envoyé, là. Le ciel, il est là pour rien. Là. Si je m'envole en avion, c'est grâce au ciel si je peux partir puis aller plus loin. Mais il m'amène à rien. Physiquement, psychologiquement, il n'y a pas de logique. Là. Le ciel est là, je suis là, nous sommes là, mais c'est pas la même chose. Il faut arrêter de voir, là, ah ben oui, quoi? Ah ben oui, allez-y, ben, allez-y où? Ben, allez-y dans votre discours, dans votre réflexion. Ah, ça s'arrête là. Ah non, ça s'arrête là parce que ça fait 2h15 que j'attends dans l'abribus. OK. Pourquoi? Ben, pour attendre l'inconscient collectif. Ah, ben, monsieur, madame, mademoiselle, vous êtes... Je suis de nulle part. Bon, ça commence bien. Comment pouvons-nous, nous... Hein? Je répète. Comment pouvons-nous, nous, déchiffrer ce que vous voulez nous dire, si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez dire. On va prendre un petit café, pas de lait, pas de crème, s'il vous plaît. Café noir. Noir avec... Oh, ben, ouais, une petite subtilité, là. Ouais. 2 gouttes de noisette. De noisette? Voyons donc, dans un café. Ben oui, c'est bon, la noisette dans un café. C'est aussi bien, c'est aussi bon sur du croissant. Puis quand je vois qu'il y a des gens qui mangent encore des rôtis. Oh, moi, en plus, c'est quoi? C'est quand tu vas dans un restaurant, à l'époque où on allait dans un... je vais vous prendre 2 ordres de rôtis. 2 ordres, c'est un anglicisme. Bon, on va vous prendre 4 tranches de pain grillé, s'il vous plaît. Il n'y a rien de plus insignifiant que du pain grillé. Au moins de croissant, tu peux goûter le beurre. Mais du pain grillé, séché, enlevé de toute cette force, parce que là, il faut rester en communication et en communion avec ceux qui reçoivent encore ce vieux texte qui dit que le pain est la source première et la divinité même de Jésus. Ben oui, parce qu'il dit « Mon corps livré pour vous, puis c'est du pain. » Mais c'est pas du pain que je vois là, moi, là quand ils me brandissent l'affaire, là. Ils vous brandissent quoi? Mais la chose, c'est qu'ils ont oublié ce qu'on cherche depuis plus... Hey, on a été presque 1 mois et demi dans une petite épicerie de quartier. On voulait commander, mais ça n'arrivait pas. De la levure. On voulait avoir de la levure, il y en avait pas de levure. Je peux comprendre l'alcool à friction, tout le monde la buvait. Mais la levure, ben, tout le monde fait son pain, ils ont le temps, ils n'ont rien à faire. Rien à faire. Réfléchir, c'est pas rien à faire. Réfléchir, c'est de prendre du temps pour soi histoire d'évoluer davantage pour être un peu mieux à chaque jour de notre vie. On n'a jamais assez de temps pour réfléchir sur nous, sur notre façon de voir ce qui se passe. Jamais. Ah, mais on dirait que le jamais a comme dégradé pour arriver sur un jamais. Oui, mais ça, madame, là, c'est de l'expérience. Là. J'ai fait les grandes écoles, les écoles de la rue, surtout à New York, le Bronx. Hey, t'as été dans le Bronx? Madame, ne soyez pas aussi agitée et heureuse. Tout ça, ça s'est passé dans ma tête. Et monsieur, il y en a des affaires là-dedans? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut bien remplir ce qui est vide. La majorité garde le vide très fonctionnel avec leurs vieilles idées. T'sais. Ça ne change pas. Oh, mais non, c'est comme ça. Depuis que le temps est... Depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Là, hein. Non, non, la femme est soumise. L'homme amène la nourriture à la maison. La femme s'occupe des enfants. Fait le ménage. Le raccommodage. Le bricolage, c'est le gars, c'est pas la femme, ça là! Hé, hey, t'es plus en 70, mon creton! Va torcher ailleurs, tu vas comprendre! Faut pas non plus se cloisonner. Et je crois que ma grande qualité, sincèrement, c'est qu'avec les années, je m'ouvre à tout, à toute langue, à toute réflexion et à toutes les personnes qui tiennent ou qui acceptent de me rencontrer. Je suis un octambule égaré dans la longueur d'une journée. Je passe des après-midi comme si c'était des après-minuit. Je pense aux nuits blanches, aux jours foncés, gardien de nuit de mes pensées. Je suis perdu dans le fond de mes rues, en pleine lumière je me reconnais plus. Je suis un octambule égaré au pays des grandes clartés, qui parfois me fatigue les yeux avec le clinquant facétieux. Moi qui aimais le clair-obscur, je me débande mes quatre murs. Si le jour est déjà parti, que ça me donnera de pas faire comme lui. Je me blanche, je me blouse, ou ben je me pends en prenant le coup de mon âme. L'appel du vide me fait coucou pour s'auto-détruire coup sur coup. Coup sur coup. Je suis un octobule égaré, loin de ces zones d'ombre préférées, loin de ces petits sous-bois douteux, aux contrebandiers lumineux, de ces sentiers sans éclairage qui ainsi ne portent pas ombrage, en soulignant les côtés sombres qui font qu'on a peur de son ombre. Je suis un octobule égaré qui cherche le coin non éclairé, qui l'a vu naître à contre-jour par un obscur trou noir d'amour, errant dans l'inobscurité comme un hobo sa voie lactée, avec du genre à don pas dû dans la salle des pas perdus. Pas perdu. Je suis un octambule égaré dans une impasse illuminée. Mais mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets des trains et tous les sirènes des bateaux vont chanter 100 fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Aujourd'hui, le lundi, eh ben oui. Mais attendez un peu, là, on va fermer ça. Il fallait entendre tous les sifflets des trains. Oui, tous les sifflets, on le dit ça, tous les sifflets des trains, tous les sirènes des bateaux m'ont chanté 100 fois la chanson de l'Eldo. M'ont chanté. Erreur de celui qui a voulu interpréter si bien à sa manière. À sa manière, Joe Dassin. Aujourd'hui, ben voilà, dans le lundi 1er juin 2020, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Chez le camionneur qui broute son sandwich dans le casse-croûte à la sortie d'autoroute, rien. Chez le déneigeur aussi, qui travaille toute la nuit à déblayer les sorties, rien. Chez le gars qui départage les bouteilles et les canages dans l'usine de recyclage, rien, rien, rien. Chez le camelot qui se lève tôt, rien. Chez le comptable à son bureau, rien. Chez le plombier qui se penche la tête dans la cuvette blanche pour y réparer la clenche, rien. Chez le coureur olympique, chez le vieillard arthritique, chez l'expert en mécanique, rien. Chez la danseuse de ballet, la fille qui est au guichet et celle qui déchire les billets. Chez la bibliothécaire qui remet le dictionnaire sur la troisième étagère, rien, rien, rien. Dans la maison qui sommeille, rien. Chez le gardien de nuit qui veille, rien. Et la gorge qui se noue quand on pense qu'au fond de nous et qu'au bout de tout il n'y a rien. Chez le livreur de pizza et chez le gars qui reste en bas, rien. Chez le mineur dans la mine, le ministre en limousine, la maman dans sa cuisine, rien. Chez le gars sur le bien-être, chez la blonde du contremaître et la vieille qui regarde par la fenêtre, rien, rien, rien. Chez le pompier à moustache, rien. Chez le voleur qui se cache, rien. Chez les flots qui nous regardent et qui relèveront la garde pour que se perpétue la marde, rien. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la chanteuse et interprète. Chanteuse-interprète, compositrice. Elle écrit des textes, elle chante. Voilà. Et son nom, une dame que j'adore, que je suis grâce à ma curiosité et Internet. Ben, j'ai eu la chance de la voir à quelques reprises et c'est avec un grand, grand, grand plaisir que je vous la représente pour deux émissions, aujourd'hui et la semaine prochaine, mon amie. Alors, tout ce qui suit là après, c'est 100% Emma Solal. À toi l'artiste. J'essayais la patience sans un certain désarroi. Dites-moi que notre danse ne serait pas hors la loi. Quand l'ivresse de la candeur, l'interdit fatidique lèvera enfin la tiédeur de mes peurs pédées. Couvert de peur bleue, la belle réussite de leur vibrant saveur. Baiser illicite, orgueil paresseux, caresse à la suite de ce plaisir odieux. J'aille retrouver mes amants. Mes amants. Oh, mes amants. Mes amants. Oh, mes amants. Il y a des hôtesses et des grooms qui font les poches. Il y a des portes qui font boum. Il y a la cloche de l'alarme incendie qui sonne à tout bout de champ. Ma malgré tout ça, je ne vois personne lever le camp. L'auberge de l'amour, ça doit être en Espagne. Mais pour trouver l'adresse, faut pas faire hypocagne. On y descend tous avant l'heure et sans le savoir. On est déjà dans l'ascenseur du Lupana. Garçon au septième ciel, mon mari m'y attend. Garçon au troisième, vite, c'est bientôt l'heure que j'aille retrouver mes amants. Mes amants. C'est bientôt l'heure que j'aille retrouver mes amants. Mes amants. Oh, mes amants. Mes amants, mes amants. Mes amants, mes amants. Mes amants, mes amants. Mes amants, mes amants. Mes amants. Salut, ça va? Ça va. Excellent. Oui, c'est, alors, ton, c'est ton QG ici? Ben ici, le brûlant le matin. Après ça, il y a ici et là aussi le chinon. D'accord. Donc, c'est la d'accord. stratégie. Très bien. Tu restes dans le quartier? Tu enregistres? Oui. D'accord. Mais je fais du montage, hein. Donc tout est dans le montage. Ouais, moi, je reste à l'auberge de jeunesse, juste à côté du brûlant, en bas à gauche. D'accord. Donc c'est prêt. D'accord. Comment ça s'est passé hier? C'était très sympa hier. Ouais, très sympa. C'était des chansons autour de mon dernier album, L'amour est fou, que je t'avais envoyé. Ouais, que j'ai adoré. Et, que gentil, j'adore. C'est gentil. Qu'est-ce que tu as vu, toi, hier? Qu'est-ce que j'ai vu hier? Un spectacle? Oui. Diana Krall. Ah, c'est ça. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je veux bien un verre d'eau et un café très allongé, si vous voulez. Moi, je vais prendre un coca. Merci. Merci. Donc, l'accueil a été bien hier. Oui, c'était très sympa. On a chanté avec Nicolas Vidal et Constance Petrelli, absolument, qui m'a dit que tu avais vu. C'est un lieu très agréable. C'est un disquaire, bar, très sympa, où ils font tout le temps des showcases le soir. Et voilà, il y avait du monde, c'était sympa. Est-ce que tu vends tes disques après le spectacle? Oui, absolument. Alors, c'est intéressant. Oui, absolument. Ouais. Non, c'était très sympa. Et ton travail, ben, je te connais grâce à Pierre Fa. D'accord. C'est lui qui m'a remis, il y a quelques années, 5 ans, tes premiers albums. D'accord, il habite juste là. Oui, ben oui, je l'ai rencontré hier. D'accord. Lui, on se rencontre plutôt le matin. D'accord. Très, très tôt. 9h30. Okay. 9h30. Et il y a 5-6 ans, il m'a apporté plusieurs albums de chanteurs qu'il prônait, avec qui il travaillait. Mm. Et j'avais deux albums de toi. D'accord. Que j'ai adoré. Et suite à ça, ben là, on a essayé de se rencontrer. Il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, mais là, on est ici maintenant, donc c'est merveilleux. Oui, on va en profiter. Oui, oui. Il y a un album aussi que tu as consacré à Françoise Hardy. Oui, absolument. Puis j'aimerais savoir, avant, on va aller dans la jeunesse, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Qu'est-ce qui m'a amené à la musique? J'ai toujours été sensible à la musique. Je suis très sensible. Et la musique, je crois, parmi les arts, est celui qui me bouleverse le plus. Encore aujourd'hui, je suis capable de pleurer quand j'ai des chocs de musique. J'en ai eu il y a, la semaine dernière, mon dernier choc de musique, à un pianiste allemand qui s'appelle Nils Fram. Je ne sais pas si tu connais. Ah bah, je te le recommande. Merci beaucoup. Merci. Et donc, j'ai toujours été très sensible à cet art-là. Ma mère organisait des concerts de musique classique. J'ai beaucoup baigné là-dedans aussi, et j'ai commencé par le classique d'ailleurs. J'ai commencé dans des chorales, tu vois, universitaires, et puis après, merci, hein, des chorales universitaires, et après, quand j'étais adulte. Et c'est une bonne base, le classique, parce qu'après ça, bien tu sûr, peux aller dans tous, bien les, sûr, absolument. Dans tous les styles. C'est absolument. C'est une belle école. Donc j'ai commencé comme ça, et puis après, j'ai commencé à chanter de la variété, des reprises. Des chansons de Jeanne Moreau, des chansons italiennes, parce que j'ai des origines italiennes, jazz, tu vois, du Cole Porter, des choses comme ça. Et puis j'ai rencontré Pierre Fa. Voilà. Tout le monde le rencontre, c'est Pierre Fa. Voilà. Et ça tourne. Et ma vie ça. A changé. Ouais, voilà, ben oui. C'est ben oui. Ça. C'est ça. Mais c'est suite... Est-ce que Pierre Fa t'avait vu en spectacle ou... Pas du tout, on s'est rencontrés sur MySpace. À l'époque, ah ben oui, tu vois, ben ça oui. date. Et c'était vraiment 80, bien MySpace. Fin 90. C'était plutôt dans les 2000 quelque chose, okay, ouais. Voilà. C'était ça marchait la fin bien, de MySpace. C'était la fin de MySpace, ouais, absolument, ouais, ouais. Mais ça marchait encore pas mal. Et on a tout de suite eu voilà, des affinités et une envie de travailler ensemble. Et c'est à ce moment-là que lui m'a proposé, en fait on s'est rencontrés un jour, le lendemain il m'a proposé Rob du Soir, Paroles et Musique, la chanson, qui m'a emballée, et puis on a commencé à travailler comme ça sur mon premier album. Il y a eu un EP d'abord, mais après sur le premier album, et il m'a ouvert beaucoup de portes, il a, comme tu le connais, voilà, et c'est quelqu'un de très généreux. Très ouvert aussi. Très ouvert, très généreux, et j'adore Pierre, et on a commencé à travailler à ce moment-là sur mes premières compositions. Et c'est arrivé comme ça par hasard, c'est arrivé par hasard après le travail avec Françoise Hardy, ou si tu voulais pas par vraiment... hasard, non, okay. C'est pas arrivé par hasard, Françoise Hardy, en parallèle de mon premier album qui est sorti Rob du Soir, j'ai toujours été très sensible à Françoise Hardy, et elle a un endroit qui me touche beaucoup, à l'endroit de la mélancolie, de la tristesse amoureuse, de la nostalgie. Alors je suis pas que ça, je suis les deux côtés, je suis à la fois solaire et un peu mélancolique, mais elle me touche beaucoup. Et en fait, on en a parlé avec Pierre et avec un ami qui s'appelle Eric Chemouni, qui est aussi, je sais pas si tu le connais. Je l'ai jamais rencontré. Qui est journaliste en musique et qui est auteur pour beaucoup, beaucoup d'artistes. Il a beaucoup travaillé avec David Hallyday, il a écrit des chansons pour Johnny Hallyday. Il avait écrit une chanson sur mon premier album qui s'appelle Dernier jour du printemps, puis là, il m'en a refait une. Et puis, donc, il est très ami avec Pierre aussi. Et un jour, on se disait, mais ça pourrait être une bonne idée de reprendre Françoise Hardy, puis c'est un répertoire dans lequel moi, je me sentais bien. Et puis, comme elle s'est arrêtée, comme tu sais, de chanter très jeune, on s'est dit qu'il y avait un potentiel de public, tu vois, qui pourrait être intéressé pour voir ses chansons sur scène, avec des arrangements différents, bien sûr. Mais du coup, elle n'a jamais fait de scène. Elle l'a arrêtée à 20 ans. Oui, c'est sûr, parce que tu fais pas ça intéressant. Je pense qu'elle avait trop le trac, elle n'était pas ça, à l'aise. Exactement. Elle est trop intimiste. C'est une femme trop intimiste. C'est ça. Pour partager. Eh bien, voilà, c'est ça. Mais sur disque, elle le rend très bien encore aujourd'hui. Exactement. Exactement. Du coup, le projet est né comme ça. On s'est dit, allez, essayons. C'était un joli projet que je vais reprendre là d'ailleurs, je t'en parlerai. Donc, je fais surtout dans un théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre des Déchargeurs. Je l'ai joué pendant 2 ans là-bas. Et il a eu du succès. Il y avait du monde tout le temps. Il y a eu des jolis retours médias. C'était un très beau projet. Et donc là, je le reprends début octobre. Je vais le porter sur la scène du Sunset rue des Lombards. Je ne sais pas si tu connais cette scène. Oui. Donc, je suis très contente. Mais qu'est-ce qui te fait prendre le crayon parce que tu écris aussi un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qui te fait prendre le crayon? Écoute, c'est un lien poétique au monde et c'est un enchantement du monde qui pour moi c'est notre pierre, c'est ce qu'on apporte en tant qu'artiste et en musique. Je trouve que, alors ça va paraître un peu peut-être bête de dire ça, mais je trouve que les temps sont pas faciles. À Paris, on a pas mal souffert ces derniers temps, tout ça. On est un peu bousculés tous. Et je trouve que c'est encore plus important d'offrir, tu vois, des moments de poésie, d'amour, de partage et de douceur, quoi. De transmettre ça, de faire diffuser ça. Et chacun à notre petit niveau, moi, c'est ma mission. Voilà, je pense que c'est ça ma mission sur cette terre. Voilà. Et j'ai un grand plaisir à partager, aussi bien avec le public qu'avec les musiciens. J'adore ça. C'est des moments de grâce. Voilà. Je pense que, et, bon, et après, autour de ce que je peux écrire, je tourne beaucoup autour de l'intime aussi, de l'amour. C'est des thèmes qui me tiennent à cœur. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas intéressée par les débats de société, bien évidemment, mais je suis plus sur ces terrains-là aussi. Voilà, quelque chose à la fois profond, léger, solaire, triste. Je pense que j'ai les deux couleurs. Est-ce que tu sens une évolution dans ton travail depuis le début avec Pierre Fa jusqu'à ton nouvel opus qui est sorti l'année dernière? Oui, parce qu'avec Pierre, en fait, là, j'ai expérimenté une nouvelle couleur musicale avec cet album, en effet, dont tu parles, L'amour et c'est tout. Le premier album qu'on a fait avec Pierre, il était très acoustique, avec une couleur jazz. Après Françoise Hardy, c'est que ça restait aussi dans une couleur jazz. Et après ça, j'ai eu envie d'expérimenter autre chose, d'aller vers des choses qui correspondaient aussi davantage à ce que j'écoute depuis quelques années. Bonjour. C'est de la musique francophone ou britannique? Bon, un peu les deux, mais tu vois, un peu plus électro, un peu plus pop, un peu plus léger, voilà, donc après, c'est des rencontres qui ont aussi fait la réalisation de cet album. Avec Nicolas Vidal notamment. C'est toujours des rencontres. C'est toujours des rencontres, ouais. C'est ça qui est merveilleux. Absolument. Et entre guillemets, le hasard, ce qui les planètes, je sais pas, voilà, les planètes qui s'alignent bien. Ce qui bouffe. À un moment donné, tu peux rencontrer un artiste qui te ressemble et tu veux travailler avec. Complètement. C'est l'intérêt de travailler avec quelqu'un. Oui, c'est comment on se nourrit les uns les autres et de partager, exactement. Ouais. Ouais, exactement. Et comment on se sublime aussi les uns les autres. Oui, comment vrai. On fait sortir le meilleur de soi. Avec les autres. C'est ça, c'est formidable, je trouve. Mais dans ton dernier disque, on peut sentir aussi le double sens dans plusieurs chansons. On peut aussi voir quelque chose d'assez, entre guillemets, au moins deux, trois titres un peu grivoise. Oui, ou plus sensuel. Oui, mais ça me plaît beaucoup et ça fait partie de moi aussi. Mais moi, ça m'a surpris parce que dans les autres albums, c'est beaucoup plus... Oui, cet album-là est intime, mais tu vois plus loin dans une sorte de provocation. Dans les autres albums, il n'y en a pas de provocation. C'est vrai. Aussi parce que sans doute les artistes avec qui j'ai travaillé pour les autres albums étaient plus en retenue, notamment Pierre qui avait écrit beaucoup de mes textes. Tu en écris deux aussi sur ton album. Absolument. Des beaux textes. Oui, très merci. Beaux textes. Ouais, j'aime beaucoup aussi, merci. Ouais. Mais il est plus en retenue et puis ça correspondait aussi, je pense, à une période de ma vie où moi je commençais. Tu ne l'as pas dévoilé. Peut-être, et absolument. Ouais. Ou de manière plus subliminale. Oui, c'est ça. Peut-être plus sur scène que sur 10. Voilà. Absolument. Ouais. Ouais, absolument. La Sibylle imagine l'île de la cité, l'un de voisins lassés. La Sibylle devine, pianos effleurés, elle est si bouleversée. Aimerait-il d'autres femmes comme elle? Il fait des gammes polygames d'une liberté cruelle. C'est un insulaire qui la laisse entre deux hommes. Serait-il l'habillé de ses notes? première fois que je t'ai vu, je l'ai tout de suite su. Que ce serait donc avec toi que je dormirais dans tes bras. La première fois que je t'ai vu, je l'ai tout de suite su. Que je n'attendrai plus demain, que l'on naviguerait au loin. Regarde en vie, sous le soleil d'Italie. Et puis, un début d'évidence, comme un enfant qui danse. La première fois que je t'ai vu, je l'ai tout de suite su. Tes mains si grandes, si légères, échaufferaient mes hivers. Avec moi-même de manière très simple en fait. Ben, je trouve plus que cet album-là te représente davantage parce qu'il y a le yin et le yang. Mmh, mmh. C'est toi, c'est ton identité. C'est vrai, c'est ton gentil. Identité. Même, là, je t'ai fait un petit papier là, sur internet lors de la sortie. Ouais, je te remercie. Ah ouais. Non, non, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti, ce que je ressens. Et c'est ce que le public aussi adore, c'est que non, c'est pas grossier, c'est subtil, c'est bien rattaché, les métaphores sont sublimes, sont bien amenées, et la musique est tellement... elle coule de source, elle embrasse les mots. Ça me touche beaucoup, merci Rénal, ça me mais touche est-ce beaucoup. Mais est-ce que tu le vois comme ça aussi? Oui, je le vois comme ça aussi, je trouve qu'il me... tu vois, j'ai rien écrit sur cet album, quasiment pas, j'ai écrit un bout de texte en italien. Mais c'est complètement moi. Je me sens complètement en accord avec les textes, avec la musique. En effet, je me sens très, très à la maison avec cet album. Mais ça veut dire que tu as discuté beaucoup avec les paroliers. Oui, tu as été ouverte aussi. Tu n'as pas voulu... Alors, je suis ouverte, mais après, je veille à ce que ce soit vraiment ce que je veux. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chanter quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Exactement. Non, non, mais je veux dire ouverte dans le sens que tu as dit aux paroliers ce que tu voulais te mettre en bouche. Oui. Est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Absolument. En fait, tu sais comment... Absolument. En fait, comment ça s'est passé? On avait envie de travailler avec Nicolas Vidal depuis un moment. Il était venu sur Françoise Hardy m'accompagner plusieurs fois sur scène. Voilà, et puis on se connaissait depuis longtemps. Donc on avait envie de travailler ensemble. Et on a passé deux fois quelques jours à la campagne. Moi, je vais souvent à la campagne en Bourgogne. Et là, on a beaucoup parlé, beaucoup échangé. Et il a écrit très vite, en fait. Il a écrit, composé très vite. Il y avait certaines mélodies qu'il avait déjà, qui étaient une bonne base. Bon, on se connaissait déjà assez, tu vois. Et voilà, il a senti des choses de moi qui m'ont touchée, qui étaient très justes, donc qui m'allaient très bien. Et je trouve que dans tes premiers albums, on sent aussi une influence entre sonore britannique un peu. Ah oui. Et celui-là, ben, ça touche à plusieurs sphères, donc ça se limite pas. C'est comme un album universel au niveau sonore, avec beaucoup de références. Pour les gens qui veulent bien en avoir, des références, s'ils peuvent en avoir. Oui. C'est un disque qu'on peut réécouter plusieurs fois et découvrir la subtilité de tout ce qu'elle renferme. Parce que tu as des chansons qui sont très, très poétiques, même la majorité, c'est des chansons très poétiques. On peut lire le texte et écouter la musique et on va saisir vraiment la puissance des mots. C'est gentil, ça me touche. Mais je suis très sensible à ça. Moi, j'adore la langue française. C'est aussi pour la raison pour laquelle je tiens à chanter en français, parce que je trouve que c'est une langue merveilleuse. Ouais. Et j'adore l'anglais, enfin, tu vois, c'est pas la question, mais j'adore le français et je suis très sensible à ça. Et même si moi, j'espère que pour les prochains albums, j'écrirai davantage, mais jusqu'à présent, j'ai vraiment veillé à ce que les textes soient. Et du sens et de la profondeur, même si après, évidemment, il y a certaines chansons qui sont plus légères, mais je, voilà, pour moi c'est important. Et ce que je, merci pour tes gentils mots sur l'album. Ce que j'apprécie dans cet album, c'est qu'il a du relief. Ouais. Donc il y a des chansons, tu vois, qui marchent très bien en piano-voix, ce qu'on a fait hier soir par exemple, comme La femme d'une star, comme Au bar de l'hôtel, qui sont dépouillées, qui touchent, je pense. Qui touchent et d'autres qui sont plus légères, voilà, plus solaires. Mais j'aime bien ces contrastes-là. Mais on sent aussi que tu viens du classique parce qu'il y a vraiment un beau travail sonore. C'est pas juste la pop synthétique. Il y a vraiment un travail d'harmonie. Est-ce que tu aimes sur scène improviser ou si tu te tiens assez carré dans tes... J'aime les deux. Okay. C'est-à-dire, j'aime avoir une base de... J'aime savoir ce que je vais dire, un minimum. Et puis après, j'aime beaucoup improviser. Je pense que je suis assez à l'aise et j'aime bien plaisanter. J'aime ça. Mais au niveau musical, est-ce que ça vous arrive de vous lancer? Ou si c'est très carré? Pour l'instant, ça reste plus carré. C'est vrai que... Peut-être que le jazz se prête plus à ça. Ça reste quand même assez fléché. Mais l'angoisse quand on lance un album, quand on veut présenter un album, c'est les enchaînements. À quelle chanson on va aller à quel moment on va placer des chansons? Oui, c'est vrai. Et toi, est-ce que tu t'es pris la tête ou si tu as fait confiance à tes proches ou tu avais déjà une idée très claire? Des enchaînements. C'est vrai ce que tu dis, c'est très juste parce qu'après, c'est une question hyper importante en fait. Si tu perds ton public au bout de la deuxième chanson, c'est vraiment dommage. Ben oui. Alors, on en avait pas mal parlé avec Nicolas. Là, il va y avoir une réédition de cet album en septembre. Voilà, c'est un scoop que je te... Non, mais le disque vient de sortir. Il est sorti quand même en octobre dernier, donc voilà. Mais il va être réédité en septembre. OK, mais réédité, mais alors, avec le même son, il y a un nouveau mastering. Pourquoi? Il y aura deux chansons différentes parce que sur certaines, je trouvais que la voix était peut-être pas assez éclairée pour certaines chansons. Ah, t'as repris la voix de chaque chanson? Pas forcément, mais sur certaines chansons, on a rééclairé un petit peu. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Ah, c'est intéressant. Et ça sort et on va changer l'ordre, justement. Et ben, pourquoi? Normalement, début septembre. Parce que j'aimerais faire un travail dessus plus chanson. Okay. C'est-à-dire que... Je ne sais pas comment c'est chez vous au Canada, au Québec. Mais en France, c'est très fléché par rapport aux médias. Et sans doute que le fait qu'il soit avec une couleur un peu pop, électro, ça a peut-être un peu désarçonné les gens qui me connaissaient jusqu'à présent. Et là, j'ai envie de le ressortir avec un axe un peu plus chanson et axé un peu plus sur des chansons justement un peu plus intimistes comme Au bar de l'hôtel, comme des chansons de Pierre, voilà. Alors, on va refaire un visuel. Il y a un nouveau visuel, il y a des bonus de l'album, enfin deux chansons supplémentaires et qui un sont nouveau terminées. Clip qui sont en voie d'être finalisé. Pas encore terminé, ok. Qui a écrit les deux pièces qui se rajouteront? Écoute, a priori, il y a Loan. Je ne sais pas si tu connais cette chanteuse. Ben oui. Voilà, j'adore. Je l'ai rencontrée. Elle est extra. Si tu as l'occasion de la rencontrer, elle est formidable. Et puis l'autre, c'est une reprise. Et bon, pour l'instant, je préfère, tant que ce n'est pas certain, ne sais pas encore fini d'être enregistré. Et du coup, on aura un ordre différent. Tout ça parce que tu parlais de l'ordre. Oui, alors, voilà, après, on va revenir à l'ordre. Voilà, exactement. De manière à l'accès, tu vois, un peu plus chanson et un peu plus... Voilà, en proposer une lecture un peu différente. OK. Alors, est-ce qu'il y a des titres du premier qui seront enlevés ou si tu gardes l'intégralité? Non, on va les garder, je pense. Okay. On va garder l'intégralité et en ajouter deux nouveaux. Mais la musique, ça ne modifie pas, c'est juste ta voix. C'est le mix, si tu veux, c'est le mastering. Mais là, est-ce que tu gardes la même pochette ou tu veux tout... Non, le visuel va changer. le visuel va changer. Et, mais tu l'aimes, cet album-là. Bien sûr que si je l'adore. Fais... C'est pour ça que je le réédite, d'ailleurs. Non, mais tu l'aimes aussi, la première version que tu as lancée. Absolument, je l'aime beaucoup. Après, je pense qu'en termes de promotion, quand il est sorti, moi, j'ai pas tellement eu trop le temps de m'en occuper. Et, sur Internet, on t'a vu sur plusieurs sites. Oui, mais je trouve que il aurait mérité d'avoir plus de travail sur l'album. Ouais. Déco. Mais... Bah, déco et donc de travail en amont, okay, tu vois. C'est-à-dire que moi, c'est pas forcément mon métier de faire de la promotion. Oh, surtout, ouais. Comme tu sais, c'est hyper difficile de faire la promotion soi-même. Mm-hmm. Donc là, il y a quelqu'un qui va s'en occuper de manière plus professionnelle. Et bon, c'est le métier. Et... Alors, ça tu veut sais, dire je suis que... dans une économie pour l'instant encore un peu artisanale, en autoproduction. Ouais. Je n'ai pas de maison de disques. Donc tout ça, c'est des petites économies. Tu vois, c'est un... Il n'y a pas beaucoup de moyens financiers, donc c'est voilà. Mais je trouve ça intéressant, parce que cet album-là, c'est quand même un album très fort, puisque là, tu as décidé de modifier quelques trucs, de rajouter deux titres, de remanier les chansons dans l'ordre que vous avez, je ne sais pas laquelle. Là, mais moi non plus, pas encore. OK, on n'en parlera pas trop, mais c'est-à-dire que tu y crois beaucoup et que tu veux faire vieillir ce disque-là le mieux possible. Oui, j'ai envie de lui donner une autre chance et de le montrer sous une autre couleur. Une autre facette. Oui, exactement. Est-ce que tu vois un lien entre le premier album et celui-là? Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce qu'il y a une ligne médiane? Oui, tu as raison, c'est une belle question. Oui, je pense qu'autour de l'intime, autour de l'amour. Et aussi sans doute sur la langue, sur la poésie. Je pense que c'est une continuité, même si c'est un album où je me suis sentie beaucoup plus libre. Donc voilà, je pense que ça s'est un peu déployé. Ou ça s'est un peu, Et dans les prochains disques à venir, est-ce que tu veux plus t'impliquer dans l'écriture? Ou... Oui, absolument. Okay. Oui, absolument. Mais là, tu as des textes que tu travailles actuellement, c'est ça? Alors, je vais m'y mettre, là, absolument. J'aimerais bien écrire en italien aussi, parce que j'ai des origines italiennes. Ouais, j'aimerais bien faire un projet autour de ça. Est-ce que dans ta famille, on faisait de la musique? Est-ce qu'on jouait de la musique? Est-ce qu'on était musicien? Pas tellement, Reynald, non, pas tellement. Ma mère organisait beaucoup de concerts de musique classique, donc ça, oui. Elle en a toujours beaucoup, beaucoup écouté, d'ailleurs, que ça, uniquement. Et quand j'étais plus jeune, d'ailleurs, par rapport à mes amis, je me disais, mais elle ne peut pas écouter autre chose que de la musique. Ouais, ça commence à saouler. Mais voilà, c'est ça. Surtout pour un enfant, on veut entendre autre chose. Mais après, parce que les amis écoutent autre chose. Bah, bien sûr, vous écoutez tous de la pop. Ah oui, Etienne Dao. Mais ça, c'est un peu plus tard. Frisant la phrase de...